quand l'humanité était si souillée, elle désobéit au point où Dieu dut la détruire à cause de ses principes et de son essence. Dieu détesta les hommes car ils lui résistaient. Le salut de Dieu, l'homme continua à désobéir. Peu importe comment Dieu l'appelle. Sa grande tolérance, attendant patiemment que l'homme fasse demi-tour, atteignant ses limites, il fit ce qu'il devait faire. C'était la dernière chance que Dieu donna alors.